Images arrachées à l'œuvre d'Ossip Mandelstam. Texte choisi par Hélène Bleskin. Traduit du russe par Jean-Claude Schneider et publié aux éditions Le Bruit du Temps, La Dogana. Je n'ai pas envie de parler de moi, mais d'épier les pas du siècle, le bruit et la germination du temps. Quatrième épisode, les premiers pas du XXe siècle. Depuis longtemps, j'aime, pauvre artiste, la misère, la solitude. J'ai, pour faire un café au réchaud, acheté un trépied léger. Très tôt, Ossip Mandelstam perçoit dans la révolution de 1917 et la guerre civile une violence destructrice qui le révolte. 1919 est une année terrible pour les Russes. La famine se répand. Sans domicile fixe, Mandelstam voyage en Ukraine et en Crimée. Il écrit des articles et des poèmes pour des revues. Le 1er mai 1919, il rencontre à Kiev Nadiejda Khazina, jeune étudiante en peinture qui va devenir sa femme. En décembre, il lui écrit « Avec toi, je n'aurai plus peur de rien ». Mais les nouvelles désastreuses s'accumulent. L'insurrection des marins de Kronstadt, écrasée par l'armée rouge, et son ami le poète acméiste Nikolaï Goumiliov est arrêté puis fusillé comme contre-révolutionnaire. Ces années 20 dans la Russie soviétique voient se multiplier les difficultés pour tous ceux qui ne sont pas devenus communistes. La chape de plomb s'alourdit dans une société de plus en plus bureaucratisée où la peur s'insinue. Extrait de La Police, publié en 1922 dans la revue Le Sud soviétique. La pelisse. Je suis bien dans ma pelisse de vieux. C'est comme si je portais ma propre maison sur le dos. Me demanderait-on s'il fait froid dehors aujourd'hui, que je ne saurais quoi répondre. Peut-être bien qu'il fait froid, mais comment voulez-vous que je le sache? C'est bien là une de ces pelisses que portaient les popes et les vieux marchands. Cette gent réfléchie, impassible, des malins, qui ne restitue rien aux autres, ne cède rien d'eux-mêmes, oui. Pelisse ou froc, son col se dresse comme un mur. Son grain est fin, jamais retouché, elle ne trahit pas son âge. Une pelisse propre, ample, et je la porterai bien comme si de rien n'était, même si d'autres épaules s'y sont logées. Mais voilà, je ne peux pas m'y faire. Elle dégage une mauvaise odeur, comme de coffre, et aussi d'encens, de testament spirituel. Je l'ai acheté à Rostov, dans la rue. Jamais je ne pensais que je ferais l'acquisition d'une pelisse. Nous autres de Pétersbourg, peuple remuant, poussé par le vent et façonné à l'européenne, nous portons des manteaux d'hiver mi-figue mi-raisin, des trois quarts légers, ouatinés, de chez Mandel, avec un col pour enfant, encore heureux s'il est en astrakhan. Rostov m'a séduit alors par son marché aux pelisses. Chère ville, pas moyen de résister, car elle coûte là moins qu'une bouchée de pain. Cet article, à Rostov, des revendeurs ambulants l'emportent dans la rue. Ils le proposent sans empressement, d'un air bougon. C'est qu'ils ont leur fierté. Ils ne prononcent jamais le mot « million ». Ils ont les gros chiffres en horreur. Ils se contentent de dire 8 et consentent à 3. Ils ont leur côté à eux, dans la rue la plus large, celui au soleil. C'est là qu'ils déambulent du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi, les pelisses jetées sur leurs épaules par-dessus leurs vestes de peau ou leurs méchants manteaux. Eux-mêmes endossent ce qu'ils trouvent de plus minable, de moins chaud, pour mettre leur camelote en valeur, pour que la fourrure paraisse, par contraste, plus séduisante. Vous avez une pelisse à acheter? Allez à Rostov, la vieille ville russe où métropolite et fourrure sont rois. On voit s'y promener des pelisses de pop lisses et sans poche. Qu'est-ce qu'un pop pourrait bien faire avec des poches? Il n'a qu'à se draper dans les pans de son vêtement. L'argent ne va pas se sauver. Elle ne me laisse pas en paix, ma police. Je suis tenté de partir pour Moscou, voire pour Kiev. Ce serait dommage de laisser passer l'hiver. Mon acquisition n'aurait plus d'intérêt. J'ai envie d'aller faire un tour au Kreschtchatik, sur l'Arbat, à l'Immaculée Conception. J'ai envie d'aller à la fois à Kharkov, dans la rue Soumskaya, et à Pétersbourg, sur la Grande Perspective, dans une certaine rue Podrozov. Toutes les villes russes se sont mêlées dans ma mémoire pour se fondre en une unique grande cité imaginaire que je parcours, en rêve toujours, où le Kreschtchatik débouche dans l'Arbat et la rue Soumskaya sur la Grande Perspective. Je l'aime, ma ville imaginaire, plus que toutes prises une à une. Je l'aime comme si j'y étais né, n'en étais jamais parti. D'où vient alors que je ne me sente pas à l'aise dans ma police? Peut-être que j'ai peur de cette marchandise d'occasion. Le destin pourrait quitter les épaules d'un autre pour venir sur les miennes, y élire domicile, sans rien dire, en attendant de s'accomplir. Je me souviens de toutes les fois où j'ai gelé dans ces divers lieux au cours des 4 dernières années. Le froid pénétrant à Pétersbourg. Le retour dans ma chambre à la Maison des Arts avec la ration qui me glaçait les mains. La brûlure de la rampe de fer dans l'escalier noir. Et pas de gants. Impossible de s'en procurer. Un miracle si j'arrivais à me hisser jusqu'à l'étage et à laisser tomber mes provisions sur la petite table dans la cuisine minuscule, chez la vieille, histoire de me dégeler un petit peu, de retrouver mes esprits. Nous vivions dans le luxe misérable de la Maison des Arts, cette maison Eliseïev qui donne sur la rue de la Mer, sur la Perspective Nevski et sur la Moïka, nous, poètes, artistes, savants, membres d'une étrange famille rendue à moitié fou par le rationnement. Retourner à l'état sauvage, léthargique. Le gouvernement n'avait rien en échange de quoi nous nourrir. Nous ne faisions rien. Les jeunes, eux, ne se décourageaient pas. Surtout Viktor Borisovitch Shklovsky, le plus fougueux et le plus doué des critiques littéraires du Pétersbourg moderne. Venu prendre la place de Tchoukovsky. Un véritable cuirassier des lettres tout feu tout flamme. Une intelligence aiguë de la matière littéraire. Avec un tempérament d'écrivain qui en valait 10. Lui, en authentique envahisseur, s'était installé au nom du droit révolutionnaire dans la chambre à coucher de la maison Eliseïev, laquelle avait cheminée, lit double, armoire à icônes et fenêtre sur la Perspective Nevski. C'était un plaisir de le voir faire, et l'ancienne domesticité des Eliseïev l'estimait et le redoutait. Le voici, un énorme sac rempli de cartons sur le dos, retour d'une expédition en quête de bois. Nos pièces n'étaient pas chauffées. Il y avait en revanche, dans la maison elle-même, des réserves intactes de combustible, une banque désaffectée, à peu près 40 chambres vides où s'amoncelaient, à hauteur de genoux, de solides cartons de banque. Les prenait qui voulait. Nous autres manquons de courage, mais peut-être bien que Shklovsky s'enfoncera dans cette forêt pour en revenir avec un fabuleux butin. Dans la cheminée, le feu crépite, allumé avec des débris de bureau, tandis que le maître des lieux laisse traîner sur les tables de jeu luisantes des Eliseïev, même sur le lit, sur les chaises, quand ce n'est pas par terre, des feuillets avec des notes prises dans les œuvres de Rozanov. Et il se lance alors dans son étonnante théorie, selon laquelle celui-ci aurait écrit un roman et posé les bases d'une nouvelle forme littéraire. Il y eut aussi l'arrivée de Marietta Chaguignan, débarquée tout droit de Rostov, avec sa surdité monacale. Elle n'était pas de notre monde, en tout cas de ce monde pétersbourgeois. On se moquait d'elle lorsque, seule de tous les habitants de la Maison des Arts, elle allait déblayer la neige, modeste corvée imposée par le pouvoir soviétique, qui s'était heurtée comme de juste à notre snobisme et à notre goût du sabotage. Je me souviens de mon voisin, dans ce Kamtchatka des anciennes chambres meublées, où on nous avait relégués tous les deux faute de place dans le temple de la Maison des Arts. Le poète Vladislav Kodasevitch, l'auteur de La Chaumière heureuse, dont la voix ténue de vieillard, une voix argentine, en 20 années d'activité poétique, nous a donné en tout quelques poèmes charmants comme les vocalises du Rossignol, inattendus et sonores comme un rire de jeune fille dans la nuit glacée. C'était le magnifique et rude hiver 1920-1921, le dernier hiver de privation de la Russie soviétique. Et j'en ai la nostalgie, j'en garde un souvenir attendri. J'aime cette Perspective Nevski, vide et noire comme une barrique, animée seulement par des automobiles aux yeux énormes, et par de rares, rares passants, que la nuit déserte dénombre un à un. À ces moments-là, Pétersbourg n'était plus qu'un seul corps, avec une tête et des nerfs. Je ne me sens pas à l'aise dans ma pelisse, tout comme aujourd'hui la Russie soviétique tout entière supporte mal cette satiété et cette chaleur accidentelle. C'est un bien maléfique qui provient d'autres épaules. Ma pelisse sur le dos, je hâte le pas en passant devant les vitrines du magasin pour gastronomes, et je m'empresse de raconter aux personnes de ma connaissance que je ne l'ai pas payé cher. Mais j'ai surtout honte de la voir devant la petite vieille qui niche dans la cuisine de notre appartement, elle qui s'est rendue exprès à Moscou l'automne dernier pour récupérer les affaires de son fils défunt. Sur le chemin du retour, des gens bien intentionnés lui ont conseillé de mettre ses affaires au bagage, et on lui a volé dans sa valise tout son misérable Saint-Frusquin, tout, littéralement tout ce qu'elle avait acquis à la sueur de son front, sa vie durant. Crépuscule de la liberté. Louons, frères, le crépuscule de la liberté, la sublime année crépusculaire. Une pesante forêt de nasses sombre dans un bouillonnement d'eau nocturne. Sur les années sourdes, tu te lèves, ô soleil, toi, le juge, le peuple. Louons, frères, le fatidique fardeau que porte dans les larmes le maître du peuple. Louons le fardeau ténébreux du pouvoir avec son intolérable joug. Celui qui a un cœur, il peut entendre, ô temps, s'échouer par le fond ton vaisseau. Nous avons en légion belliqueuse attelé des hirondelles, et voici qu'invisible est le soleil. Les atomes, tous, frémissent, pépillent et s'agitent. À travers les raies de ce crépuscule dense, invisible est le soleil et nage la terre. Eh bien, soit, essayons. Énorme, inhabile, que vire et grince le gouvernail. Nage la terre. Ô courage, cœur des hommes. Comme charrue qui fend l'océan, on se souviendra dans le glacial l'été que nous a coûté 10 ciels la terre. 1918. En 1922, Ossip Mandelstam publie dans la revue Le Sud soviétique un texte sur le tristement célèbre Dimanche rouge. Ce jour de janvier 1905, l'armée impériale réprima une manifestation populaire sur la place du Palais d'Hiver à Saint-Pétersbourg en tirant dans la foule, tuant plus d'un millier de personnes. Cet événement dramatique marque le début de la révolution russe de 1905. Le mystère sanglant du 9 janvier. Lorsqu'un régisseur travaille à une mise en scène destinée au grand public, il dirige l'activité d'une foule de gens, il leur indique une place, son puissant magnétisme leur suggère un geste, et tous prennent vie sous ses doigts, font du bruit, pleurent, se tordent comme des roseaux sous la pression du vent. Les événements historiques, eux, ignorent tout régisseur. Sans directive, sans concertation, les participants envahissent les places et les rues, chassés de leur habitation privée par une sourde excitation. Une force mystérieuse les jette dans les carrefours à la merci de l'inconnu. Une chance si se trouve là un tribun dont la voix peut commander, en appeler à l'élément humain pour réaliser un objectif commun, prendre une forteresse, démolir une bastille. Alors la fourmilière qu'un bâton a désorganisée se mue en un ensemble harmonieux de ruisseaux s'écoulant vers le centre, là où tout doit être décidé, où l'événement doit avoir lieu. La journée tragique du 9 janvier est cette grandiose mise en scène des masses. Elle s'est déroulée sans avoir de centre, sans incident. Les foules ne sont pas parvenues jusqu'à la place du palais. Les ouvriers de Pétersbourg n'ont pas eu l'occasion de rencontrer le tsar. Le mouvement de masse, conçu selon un plan rigoureusement défini, a été décapité par un caprice de l'histoire. Et aucun des acteurs de cette grande journée n'a obéi aux suggestions d'un régisseur, n'a atteint la vaste place en forme de fer à cheval, pareil à un lac, avec au milieu son ange stylite de marbre. Combien de processions d'ouvriers pétersbourgeois ont déferlé contre la dernière barrière fatidique? Combien de fois s'est répété le mystère du 9 janvier? Au lieu d'un seul théâtre grandiose, on en a eu plusieurs, tous également minimes. Et chacun d'eux s'est acquitté à lui seul de sa mission. Décapiter la confiance dans le tsar. Une apothéose régicide écrite avec le sang dans la neige. N'importe quel toque d'enfant, moufle ou fichu de femme, pitoyablement jeté ce jour-là sur la neige de Pétersbourg, fait figure de mémorial réclamant la mort du tsar, disant que le tsar va mourir. Dans toute la chronique de la Révolution russe, il n'y a pas, je crois, d'autre journée aussi capitale, aussi saturée de contenu. Ce que la mémoire des contemporains en aura gardé l'emporte sur sa signification claire, pèse sur eux comme une épreuve terrible, inexplicable. La leçon qu'on en tire, c'est le régicide, une vraie leçon de tragédie. Impossible de vivre tant que le tsar n'aura pas été tué. Le 9 janvier est une tragédie avec un seul cœur, sans héros, sans pasteur. Gapone n'a pas demandé son reste. Dès le début de l'action, il n'a rien été. Il n'était nulle part. Tant de tués, tant de blessés. Et une seule personnalité, le professeur Tarlé, blessé à la tête par un sabre. Quant au cœur, oublié sur scène, éparpillé, abandonné à lui-même. Celui qui connaît les lois de la tragédie grecque comprendra. Pas de spectacle plus pitoyable, plus déchirant, plus affligeant. À cette minute même s'embrasa jusqu'en ses tréfonds tragiques la conscience des masses populaires. Les balles sifflèrent, les gens partirent en débandade, se jetèrent par terre, en proie à une terreur de bêtes sauvages, sans plus penser aux autres. Il est caractéristique que personne n'ait entendu le signal du clairon annonçant la fusillade. Tous les témoignages disent qu'on en a entendu parler, mais qu'on aurait tiré comme sans avertir. Personne n'a entendu résonner dans l'air gelé de janvier le dernier clairon de la Russie impériale, celui de son agonie, les gémissements précédant sa mort. La Russie impériale est morte comme une bête, nul n'a perçu son ultime râle. Le 9 janvier, tragédie pétersbourgeoise, ne pouvait se dérouler que dans cette ville. Son plan, la disposition de ses rues, l'esprit de son architecture ont marqué de leur empreinte indélébile la nature de l'événement historique. À Moscou, il aurait avorté. Une force gravitationnelle, un mouvement régulier selon des lignes, de la périphérie vers le centre, a constitué, pour ainsi dire, toute la dynamique de cette journée, conditionnée par le sens historique et architectural de Pétersbourg. L'idée qui régit l'architecture de cette ville suggère immanquablement la notion d'une puissante unité centrale. Pétersbourg, par toutes ses rues qui s'écaillent, jaunes et gris-vert, se déverse de façon naturelle vers les bassins en granit de la place du Palais, vers le fer à cheval rouge du bâtiment fendu en deux par la profonde arche frappée de cuivre avec son quadrige cabré prenant l'envol. La foule ne s'est pas dirigée vers le cavalier de bronze, sur la place du Sénat, parce que seule la Russie entière pouvait se mesurer à lui et que le litige avec lui était encore à venir. Semblables à des maçons qui posent leur dernière brique, tous sont allés vers la place du Palais pour couronner l'édifice révolutionnaire. Des travailleurs avaient construit le palais d'hiver, et maintenant ils allaient mettre le tsar à l'épreuve. Mais cela ne s'est pas concrétisé. Le tsar s'est écroulé, le palais est devenu un cercueil et un désert, la place une crevasse béante, et la ville la plus harmonieuse au monde, un absurde amoncellement d'édifices. Que faire alors ? Seul l'énorme et jaune hôpital Obukhov, avec ses jardinets, ses patios et ses chambres mortuaires, n'a pas perdu la tête. Il savait ce qui lui incombait, comme une tante âgée surgit dans la famille au moment des décès ou des naissances. Cette vieille et jaune sage-femme a accueilli des milliers de personnes massacrées au hasard, criblées de balles comme du gibier, avec dans le corps une plaie imperceptible et une charge de plomb. Personne, en cette jaune journée d'hiver, ne soupçonnait qu'elle venait de mettre au monde un enfant, la Russie rouge, et que chaque meurtre était une naissance. Même ce rusé petit moujik, Rasputin, dans sa lointaine Sibérie, ne savait pas encore qui il devait sauver. Il ne s'était pas encore équipé pour son lointain voyage. Lugubre était Pétersbourg l'infortuné. Les brasiers fumaient dans les rues. Les patrouilles attardées, inutiles, étaient transies de froid dans les recoins. Mais cette ville était impensable sans son âme. Celle-ci, délivrée, neuve, telle une tendre psyché abandonnée, errait déjà au milieu des neiges. Le premier cortège est parti des barrières de briques et de bois. Les travailleurs se sont dirigés vers le calice de granit de la Neva, ce vaste lingot architectural pareil à un tabernacle, comprenant l'arche de l'amirauté et le sarcophage de Saint Isaac. Mais ils n'ont pas atteint leur but. Mais ils ont recommencé. Tout Pétersbourg, sale, jaune, avec ses briques, avec les boîtes de ses maisons, ses masures, fabriques et terrains vagues. Venant de toutes parts, ils ont repris 12 années plus tard le chemin de la place du Palais pour achever de construire l'œuvre de leurs mains. La dernière brique, librement posée, a justifié sur les ossements des ouvriers cette citadelle, magnifique, puissante, digne réponse à la peine des travailleurs. Le 1er janvier 1924. Celui qui a embrassé le crâne meurtri du temps avec une tendresse de fils se souvient que parmi les congères du blé, le temps, pour dormir, couchait sous la fenêtre. Qui, du siècle, a soulevé les paupières malades de pommes pesantes, somnolentes, entend l'incessante rumeur lorsque grondent les fleuves des temps fourbes et sourds. Il a deux pommes somnolentes, le souverain siècle, et une belle bouche argileuse, mais contre le bras languide du fils vieillissant, il vient agonisant se serrer. Je sais, chaque jour s'affaiblit le souffle de vie. Encore un peu et va s'interrompre la chanson simple parlant des offenses d'argile, et dans les bouches l'étain coulait, et dans les bouches l'étain. Oh, la vie argileuse! Oh, l'agonie de mon siècle! Celui-là seul, je crains, te comprend en qui habite le sourire impuissant de l'homme qui, loin de soi, a pu s'égarer. Et quelle douleur! Chercher la parole perdue, lever ses douloureuses paupières et, la chaux dans le sang pour la tribu étrangère, rassembler les herbes de la nuit. 1924. C'était « Pages arrachées à l'œuvre » d'Ossip Mandelstam. Texte choisi par Hélène Bleskin. Traduit du russe par Jean-Claude Schneider. Les œuvres complètes d'Ossip Mandelstam ont été publiées en 2018 aux éditions Le Bruit du Temps, La Dogana. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Quatrième épisode. Avec Laurent Manzoni, Julie Pouillon, Vincent Berger et Peggy Martineau. Prise de son, montage, mixage, Cédric Chatelus. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Cédric Ossire.